Maître Descari, vous avez une avocate qui est assise à côté de vous qui représente le Parti libéral. Mais, madame, je pense que c'est Madame la Présidente, vos propos sont injustes. Son hypothèque et n'a jamais fraudé le chômage, il ferait donc un excellent ministre Piquis. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier! Bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune et ça va nous donner amplement le temps de nous remettre du fait que, ben non, nous, on n'est jamais allé au local et au club 357C, c'est oui, ça, hein? Oui. C'est ça? Ah, Colin Dabin. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Mais là, je vous regarde, là. Votre face, là. Dites-moi que vous êtes jamais allé au 357C, vous? Non, mais j'ai pensé proche. Ah ouais? En fait, je suis allé au 357D. Ah, à le D? Ouais. Puis c'est quoi qu'il y a là? C'est les toilettes du C. Ah! Ouais. Mais hey, les maudites belles toilettes. Hein. Ah, c'est ouais? La première fois que je voyais une déchiqueteuse dans une toilette. Une déchiqueteuse ouais. Dans une toilette? Ouais. Hey, c'est des gens propres. Ah ouais. Hey, calé. Déchiquettent même leur papier ah, ouais, à main. Ouais, ça doit être un réflexe. Hein. Ah, c'est ça, eux autres, hein, comme ils niaissent pas que ça. Pas de preuves. Tout le temps, oh, ouais, regarde. Ouais. En tout cas, hey, on en a nommé du monde hier dans cette histoire-là. Et boy. Mais chacun a sa raison. Chacun a sa raison. Par exemple, Lynn Beauchamp, la belle Lynn Beauchamp, elle a dit qu'elle y allait pour sortir de sa tour d'ivoire. Ah, ben c'est pas justement une tour d'ivoire, le 357C? Voyons donc, Fred. Voyons donc. Hey, non, mais attends. C'est bien plus luxueux que ça. Hey, écoute, quand tu regardes la décoration là-dedans, là, l'ivoire, ça a l'air de la mélamine. Alors, quand même, jette les retailles. On s'entend pour dire que la mafia et les politiciens, ça coquine pas mal là-dedans, là, le 357C. Là. On va laisser faire le country ouais, club. Oui, mais ça, c'est des allégations, Fred. Ah, hein? Ouais. On n'a pas de preuves. Puis c'est sûrement moins pire qu'au 275ND. Le 275ND. Ben, le 275ND. Le 275 Notre-Dame, c'est l'adresse de l'hôtel de ville. Ah. Je te dis. Ah. J'avoue, en même temps, Pauline Marois a dit qu'elle est allée, elle aussi, au 357C. Ça doit pas être si pire, finalement. Ah, fait que c'est pas juste des personnes influentes qui vont là. Non. Ah, OK! Ben là, y a même Guillaume Lepage qui a dit sur Twitter qu'il est allé manger un dessert là, une fois. Ah, ben c'est trippant d'abord. Hein? Je sais pas s'il a reçu une carte. Hein? Une petite blague, là. Non. Parlant de quelqu'un qui a trippé en masse, il y a le ministre de l'Environnement, Daniel Breton, hein, qui a dû démissionner hier matin. Ah, ah, ben qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec un blanchon non consentant? Non, je pense qu'il a comme blasphémé devant du quinoa. Oh non, boy! C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est, pas vrai. C'est une blague, c'est une blague. Non, non, non, c'est bien pire que ça, en fait. Il a pas payé son loyer, je pense, en 2006. Il a fraudé l'assurance-emploi. Il a roulé en Porsche à 275 km/h en Ontario. Boy, ouais. C'est 10 fois la limite permise là-bas. En Ontario, là. Ouais. En Ontario, quand c'était pas astreint, on devient fou, eux autres. Hein. Non, non, mais. Puis en plus, je pense qu'il ne recyclait pas ses bouteilles de vin. Ah, crème. Moi, ici, il aurait dû déclarer faillite au lieu de cacher tout ça. Ah, mais c'est pas un caquiste, Fred. C'est un péquiste. Ah, ouais. À la CAQ, tu peux déclarer faillite sans problème. Donc, il roulait à 275 à reculons, c'est à 401, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, oui. Mais en regardant le Québec. Tout le temps vers le Québec, quand même. Hey, parlant de l'Ontario, je sais pas si vous avez vu, il y a le maire de Toronto qui a été destitué aussi cette semaine. Hein. Bon! La corruption, c'est pas un monopole québécois. Ouais, non, mais, Fred, là, c'est parce que c'est pas comparable du tout, du tout, du tout. Je sais pas si vous avez vu. Là, non, il a sollicité des dons pour l'équipe de football qui coach dans un quartier défavorisé de Toronto. Ah ouais, OK, juste ça. Ben oui. Le problème, en fait, c'est qu'il a utilisé du papier à lettre de l'hôtel de ville pour demander les dons. Fait, combien il a ramassé? 3 000. Ah. Ouais, non. Ah, il aurait dû demander à Pierre Bibeau. Ah, il aurait ramassé un 30 000 là, en 5 minutes. À lui, là. Il n'y a pas que ça, hein? Avec des gratteux qui disent, en tout cas. Hey, pendant la sollicitation, là, j'imagine que vous êtes au courant que la Grande Guignolée a débuté cette semaine. Hein? Alors, donner généreusement, c'est pour une bonne cause. Oui, j'ai comme un dilemme. Moi, j'ai 20 piastres à donner, puis là, j'hésite entre la Guignolée ou la CAQ. Ah oui. Ben là, il faut peser le pour et le contre, Fred. Hein? Ouais. C'est bien important. On regarde. Bon, la CAQ, là. Elle combat, elle, toute seule, la corruption. Ouais. Hein? Alors que la Guignolée, elle fait juste dépanner une coupe de robineux jusqu'au 24 décembre. Ah, ouais, ben, faut regarder. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais au pire, je pourrais garder mon 20 piastres pour envoyer du canage à la CAQ, dans le fond. Ah ouais, bonne idée, parce que depuis que... Parce que quand le Doc Barrette a quitté la CAQ, il a vidé le garde-manger. Il est parti avec tout. C'est ça qu'ils disent. Sauf les biscuits soda multigrains, là. Sans sel, mais regarde, non. Parlant de ça, je sais pas si vous... Non, mais c'est... regarde, c'est une petite blague. Je sais pas si vous avez vu, on vient de découvrir... Ça, c'est intéressant, c'est arrivé hier, je pense, ou avant-hier. On a découvert le plus gros trou noir jamais vu. Hein? Et paraît-il que c'est plus gros qu'une galaxie. C'est extraordinaire, ouais. Hein, oui? Fait que je pense qu'on peut arrêter tout de suite les recherches. On le retrouvera jamais, François Rebello. Hein? Non, je pense pas. Ça va être long. Ah, écoute. Ben d'ailleurs, s'il y en a un qui aurait pu profiter de cette cachette-là, ben c'est bien Pierre Duhaime, hein, le PDG, ex-PDG de SNC-Lavalin, qui a été arrêté cette semaine. Il me semble que qu'avec sa prime de départ de 4,5 millions, là, il aurait pu se payer un vol jusqu'au trou noir. Ouais, mais hein? Là, attends une minute. Là. Air Transat, font-tu des vols intergalactiques? Ben, si c'est le commandant Piché qui chauffe. Ouais. Les gars. Il se laisse planer. Il se laisse planer. Il se laisse planer jusque là. Hey, hey, tu sais, cette compagnie-là, là, a fait des miracles. Hein. Regarde, elle a réussi à transformer un comptable drabe puis ennuyant en chef de parti. Drabe puis ennuyant? Oui, parti aussi. Enfin, parlant de transformation, on a des invités qui savent, eux, se transformer. Oui, on reçoit Biz de Locolocas, qui viennent d'ailleurs de sortir un nouvel album. Ah, hein? Ils ont pris une pause de leur carrière respective? Non, je pense qu'ils ont, ils ont un bon break entre les sessions à Star Academy. Ah, ça leur oui, donne le vrai temps de. Oh, il n'y a pas de problème. Et non, non, je pense qu'ils ont le temps, ils ont le temps en masse. Et on reçoit également un ancien ministre péquiste. Oui. Non, ce n'est pas Daniel Breton. Je parle plutôt de Joseph Facal, qui est professeur au HEC et chroniqueur dans le Journal de Montréal. Oui, un grand fan de soccer. Oui, je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il, que ça l'a attiré en politique, hein, les soccers. Non, non, pas le soccer. Oh, le sport. Oui. Ah, écoute, c'est compliqué cette semaine avec toute cette histoire de commission Charbonneau-là. On va avoir le temps de démêler ça parce que la soirée est encore jeune, tout le monde. Bon! Ah, merci d'être à l'écoute. Olivier Niquette, les oui, internets. Ben oui, les gens peuvent nous suivre au twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée oui, encore jeune, ou se rendre sur notre site web au radiotradeunioncanada.ca/lasoirée pour découvrir une belle pub des habits Gatineau Hall mettant en vedette l'excellent acteur Bernard Drinville. Ben oui! Oui. Ah, il était... C'était un beau bonhomme. Oui, pas pire. Bien habillé aussi, bien habillé. Hey, je vous rappelle qu'on enregistre une spéciale de fin d'année le vendredi 21 décembre en après-midi. C'est au bar chez Roger de la rue Beaubien. Et, ben, c'est déjà plein. Ah, hein? Fait qu'on ben vous aurait bien invité, c'est bien maudit. Mais vous pouvez nous écrire quand même, il y a une liste d'attente. Mais, et vous êtes les bienvenus. Oui, puis ça, on va pouvoir l'écouter le 31 décembre. Ben, quand c'est même, le 31 décembre. À la maison. À 18h et en reprise oui, le 1er janvier. Hey, grosse semaine d'actualité encore une fois. Ah, je sais pas si vous avez suivi ça. Grosse, grosse semaine. Tellement là, qu'on n'a pas eu le temps de parler du blanchiment de Gilles Duceppe. Hein? Ah, c'est une teinture finalement. Non, non. Non. Blanchi des accusations d'avoir utilisé des fonds publics à des fins partisanes pour le Bloc. Le quoi? Le Bloc québécois. Oui, le parti de Lucien Bouchard et Jean Lapierre, là, les Lucides. Ah oui, ils font quoi ces deux-là à cette heure? Ils font de l'humour, je pense, ah ouais, de droite. On a appris cette semaine qu'un remake du téléroman Les Belles Histoires des Pays d'en Haut allait être porté bientôt à l'écran, pas de blague. Et on parle d'un remake revu comme, et là je cite, là, un western d'époque hyper réaliste. Oh boy, ça va être bon. Ça promet, on ça va promet. On nos enregistreuses. Oh boy, boy! Et ça nous a donné d'ailleurs l'idée pour notre top 5 hebdomadaire. Alors voici donc les cinq remakes qu'on devrait aussi ramener au petit écran. Hein? En cinquième position, tout le monde, Aurore l'enfant martyr. C'est l'histoire de Lynn Beauchamp qui fait des entrevues à la radio pour défendre son intégrité puis qui finit par pleurer. Oui. Bon, oui, parce que en fait, Paul Arcand, il fait manger du savon, ah, je pense. C'est ça, ouais. En quatrième position... C'est hyper réaliste. Ouais. En quatrième position, L'héritage. Ben, c'est l'histoire d'un ministre de l'Environnement qui démissionne puis qui laisse en héritage 500 bouteilles vides et 8000 piastres de dette. Puis à la fin, ben, il couche avec son Blanchon. C'est ouais, ça, ouais, ben, on découvre que le Blanchon, c'est sa fille, finalement. Ben, c'est Victor Lévi-Beaulieu, hein. C'est bien, bien spécial. C'est bien, bien spécial. Ça va être bon. Ça va être bon. C'est un beau moment de TV. En troisième position, Marilyn. Ouais, ah oui, ça, c'était l'histoire d'une femme de ménage qui finit par se faire élire au municipal, hein. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. En fait, mais là, c'est Gérald Tremblay qui joue le rôle. Puis il commence élu municipal, puis il finit comme femme de ménage. Ah! Ouais. Marilyn, elle était quand même attachante. Elle, ouais, ouais, mais ça, c'est un problème. En deuxième position. En deuxième position, les ploufs. C'est l'histoire d'un médecin spécialiste qui plonge en politique, qui fait un flap. Ah! Tout le monde fait un flat, Fred. C'est vrai. La poune fait un flat. Ouais. Je me suis jamais baigné avec elle, mais j'imagine. Et en première position, le temps d'une paix. C'est l'histoire d'un gouvernement minoritaire qui essaie de pas se faire défaire pendant au moins un an avec plein de ticounes. Ouais. Hein? Mémé Bouchard. Mémé Bouchard passe des commentaires tout le temps. Ah oui, ça va être très bon. Hey Fred, présentez-nous déjà notre premier invité. Rapport au sein du groupe Locolocas, notre premier invité est en train de se tailler une place au sein des romanciers québécois et particulièrement dans les librairies Archambault. Accueillons Biz! Salut! Salut! Comment ça va, Biz? Ça va bien vous-même? Ça va très bien. Une bière? Oui, volontiers. Ben, ça va me faire plaisir. J'ai. On dirait un spectacle de télé, mais sans caméra. C'est vrai? Vraiment, c'est ben, gros, on travaille là-dessus. Ben, c'est pour ça que ça nous permet d'inviter plus de monde. Oui. Tu sais, payer mon cachet astronomique. Oui. Ben, puis moins cher aussi, c'est juste à la radio. Oui. Puis en même temps, c'est ça. Hein, on n'a pas obligé d'inviter avec des belles personnes. Non. OK, je vous donne une blonde. Non, c'est vrai, c'est l'avantage de la radio. Pas obligé de se raser, notamment. Tu sais, je dis, ben, c'est ça, là. Tiens, on a tout de la dégueu ici. Oui. Mais regarde, personne ne le sait. Oui. Comment ça va, Biz? Bon, je t'avais déjà demandé, mais je vais vous le demander. Oui, quand même. Non, mais ça va non? très, très bien. Ben, je me dis, je vous écoutais, tout le monde en parle dimanche dernier, et là, on a eu le résumé de tout ce qui se passe dans votre vie. Un biz auteur, biz comédien, un petit peu. Oh, biz, mais pas trop. Ouais, ben, un petit peu quand même. Biz nationaliste, évidemment. Biz prof à Star Academy. Biz ami de Pierre-Carl Péladeau. Biz rappeur. Biz, c'est qui finalement? Écoute, toutes ces réponses quand même. Ah ouais? Ben ouais. J'ai une bonne psy. Non, mais c'est ça. Mais en fait, tout le monde en parle. On est encore en train de se demander jusqu'à quel point c'était une mauvaise entrevue. Ben. Et je ne blâme pas du tout le montage, mais tu sais, les entrevues, nous, on a fait peut-être au-delà de 500 000. 500 000, hein? Dont plusieurs dans certaines radios communautaires obscures, à Sept-Îles ou à Amos. Ouais. Puis il y en avait des bonnes, des très bonnes, ben, des moins bonnes. Et là, devant 1,2 million de personnes, c'était une pas bonne entrevue. Ben, ça arrive, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'était un petit peu bizarre, hein, parce que... Ça faisait un peu fin de règne. Ben, bon, écoute, je veux pas rien dire comme ça, là, mais je sais pas si vous l'avez écouté, mais effectivement, on aurait dit que vous alliez nous annoncer que c'était la fin de Locolocast. Oui. Et après ça, on aurait dit que vous étiez en train de vous rattraper pour pas que ça paraisse que c'était la fin de Locolocast. En fait... Feeling. Je vais te dire, moi aussi, c'est exactement ce que c'était mon impression. On écoutait la même chose. Oui, puis bon. Et si cette entrevue-là avait eu lieu il y a un an, elle aurait correspondu à notre état d'esprit à l'époque, parce qu'on a niaisé pendant 8 ans. Ouais. Et contrairement à ce que tu as laissé sous-entendre, il ne s'est pas rien passé avec Loco parce qu'on faisait toutes sortes d'affaires. On faisait toutes sortes d'affaires parce qu'il ne se passait rien avec Loco. Donc, il ne faut pas confondre cause et conséquence. Oui, c'est ça. Et donc, à la suite de ça, on a passé proche de tirer la plug plus d'une fois, mais en février dernier, on s'est remis à la création. Ça nous a rejoints, ça nous a rattrapés. Ouais. En plein printemps érable, on a sorti notre disque en pleine euphorie. On a fait notre meilleur, notre plus grand spectacle de tous les temps en francophonie plein avec les étudiants. Et donc ça nous a, depuis ce temps-là, ça nous a ramené au bon niveau de Locolocast. On a vu la vidéo qui s'est circulée pas mal sur Internet là, de votre chanson devant les étudiants, « Libérez-nous des libéraux mm-hmm. ». C'est plate parce que ça marche plus, ça. Hein? C'est fini. Ben non, c'est ça. Fini c'est... les droits d'auteur, c'est... fini le chalet dans le Nord. C'est bien maudit, cette affaire-là. Est-ce qu'il y a possibilité d'écrire « Libérez-nous des péquistes » bientôt? Ben, c'est-à-dire que ça peut se décliner à l'infini. Ben, c'est pour ça que je dis ça. On nous a demandé les conservateurs, les adéquistes, toutes sortes de partis. Mais je veux dire, on l'a fait une fois, bien fait. Ouais, ouais. Ça va. Maintenant, ça serait répéter la recette. Là. Oui, techniquement, on pourrait le faire. Là, mais ça, ben, c'est ça, ça justement. Peu, vous nous avez libéré des libéraux. En tout cas, je ne veux pas mettre ça tout de suite de votre dos. Non, ça a quand même pris 8 ans. Ouais, donc, la chanson n'était pas si bonne que ça. Mais à tout le monde en parle, justement. On avait l'impression que Shafik... c'était la personne qui était le plus éloignée de en fait, qui était en attente de la renaissance de Locolocast. C'est un peu comme votre Marcel Gauthier de Brou. Faudrait que tu lui dises, il l'apprécierait sûrement. Ben oui, je parle de Marcel, là. Non, je sais. Mais on invite pas souvent Marcel. Mais écoute, c'est sûr qu'à la base, Loco, on est tributaire de l'horaire de Locolocast. C'est comme si toi, tu veux venir faire ton émission à chaque semaine, puis tu peux pas rentrer dans le local parce que le concierge ouvre pas la porte. Ben, vous serez surpris quand même qu'à Radio-Canada, ça se peut. Oui, c'est vrai. Il y a des concierges omniprésents à Radio-Canada. Ouais, mais tu sais, il y avait quelque chose. Puis à partir de ça, lui fait ses affaires, puis tant mieux pour lui, puis ça marche bien pour lui. Puis... Mais nous, après, c'est ça, c'est qu'on est un peu poignés. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire, moi, d'ailleurs, puis à faire d'autres choses, notamment à participer au sport d'engagement. Ben oui, avec la chanson Le But. C'est très bon, ça, d'ailleurs, vous pourrez écouter ça en ligne sur le site du Pornographe. Bon, je fais de la plug, là. Mais tu fais bien, Non, mais c'est ça. Ça te va très bien, d'ailleurs. Mais je vous remercie. Un vrai Bernard Drinville en costume. Non, mais... c'est sûr que lui et moi, mais on était effectivement en attente de ce qui se passe, de la création. Puis la création, tu peux pas tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite. Non, il faut que t'attendes. Et donc, quand ça se passe pas, ça se passe pas. Puis t'as beau planifier, faire des horaires, avoir un petit courriel de la compagnie de disques. C'est comme... Mais là, il est sorti, le disque. Effectivement, il est sorti. On est content qu'il soit sorti. On est content qu'il soit sorti à ce moment-là. On ne l'aurait pas sorti plus tôt. Puis content des critiques, premièrement, qui dans le journal de Montréal, c'était très bonne critique. Ben moi, je l'ai lu, c'était bon. Vous lisez le Jean-Marc, tout ça? Ouais, rarement. Mais les critiques ont été bonnes, mais tu sais, les attentes étaient tellement démesurées. Juste pour te dire, sur notre forum, il y avait une fille dont la signature, c'était un chef-d'œuvre ou rien. Oh, donc, on a opté pour le chef-d'œuvre. Ah, OK. Il y en a qui offrent pour rien, mais c'est une bonne idée d'avoir pris pour le chef-d'œuvre. Mais non, les attentes étaient extraordinairement élevées. Le disque est peut-être un peu en dessous de ces attentes-là, mais comme elles étaient stratosphériques, ça nous dérange pas. Puis à un moment donné, bon, il est arrivé dans ce contexte-là, puis tant mieux. Puis là, maintenant, on a du plaisir à le porter justement en tournée partout au Québec. Puis, sans Libérez-nous des libéraux, c'est une nouvelle époque, une nouvelle ère qui commence. Inévitablement, on vient de perdre la chanson qui faisait sauter tout le monde. Exactement. Puis tant mieux, parce que oui, effectivement, d'un point de vue énergétique, c'était le climax du spectacle, mais il y a quelque chose de pathétique à toujours dire le jour de la marmotte, on va se libérer, on va se libérer, on va se libérer, puis on est tout le temps en train de la chanter, mais on va-tu le faire un moment donné? Bon, ben c'est fait cocher, on passe à d'autres choses. Voilà, on passe à d'autres choses. Une autre chose que vous souhaitez, c'est l'indépendance, mais là, on va avoir Joseph Facal tout à l'heure, on va parler d'indépendance, je pense à deux, ça va être le fun, ça. Ben, oui. Petit débat, bon. On n'a pas assez parlé encore. Ben, c'est ce que je me disais, vous en parlez pas mal beaucoup. Mais on va terminer avec la critique, parce que j'écoutais Medium Large, l'émission de Catherine Perrin, et le journaliste Étienne Côté-Paluc en a profité un peu pour déconstruire votre dernier album. Et oui, quand il dit. Que vous perdiez vous aviez perdu votre momentum et que vous êtes dépassé. C'est-tu vrai? Ben, est-ce qu'il était là au spectacle des Francofolies qui a été de l'aveu même de Laurent Saulnier la plus grande foule de l'histoire? Oui, je comprends, mais tu sais, des fois, Bon Jovi fait un bon show, ça veut pas dire que son album est bon, là. Oui, mais je pense pas que Bon Jovi aurait rempli le centre-ville de Montréal au printemps dernier. Puis, honnêtement, le type qui dit ça, si je ne m'abuse, travaille pour Le Voir, un journal papier qui est en complète déroute. Ben, c'est pas faux, mais en même temps, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui est... Richard Martineau, il a déjà travaillé au Voir. Non, mais c'est pas si... quelqu'un qui est en déroute. Non, mais... Il y a peut-être un lien de causalité entre la part de Richard et la chute du Voir. Ça comme ça. Non, mais ceci dit, écoute, moi, ce qui me rassure, c'est que nos fans sont plus jeunes que lui. Moi, dans le fond, c'est pas mon âge qui importe. C'est ça, est-ce que vous représentez encore la jeunesse? Ben, demande à la jeunesse. Ouais, est-ce qu'il vous représente encore? Non, la jeunesse, pas des gens qui ont la barbe, la jeunesse. Ah! OK. D'ailleurs, je me demande, c'est la dernière question avant qu'on passe à d'autres choses, là. Avant qu'on soit dépassé. Est-ce que vous avez une teinture de cheveux? Vous avez le cheveu noir, c'est extraordinaire. J'ai un gloss, en fait. Arrête! Oui. C'est vrai? Qui justement, permet une humidification et un reflet. Arrête donc! À quel âge faut commencer à faire ça? Parce que j'ai le cheveu assez stressé, moi. Ben, écoute, avant 40 ans, je pense que. Avant 40 ans? Il n'y a pas de stress avant 40 ans. OK, good, bon. Non, mais bon. T'as-tu des enfants? Non. Moi, j'ai eu des cheveux blancs à partir du moment où ma blonde m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et au deuxième, c'était catastrophique. À ce point-là, instantané. Hein? Ah oui, hein? Non, parce que je regarde Fred Savard en même temps, Pauline Niquette, ils ont des enfants, eux autres, ça va pas. Mais j'ai pas de glace, par exemple. La radio leur va très bien. Ça va pas j'ai super pas de bien. Voilà. Hey, vous restez avec nous. Avec on a de la bière en masse, en masse. Noël approche et plusieurs familles vont se retrouver dans le besoin, on le sait. La famille italienne n'est pas en reste et on a pensé organiser un petit événement pour leur venir en aide. On écoute. 2012 a été une année vraiment rough pour la mafia. La commission Chabonneau, le comeback de Rizzuto, la grande gueule à Zambito. Très mauvais pour la business, ça. Heureusement, la grande guignolée de la mafia aide les mafieux les plus démunis à retrouver leur dignité. Jusqu'au 24 décembre, nos bénévoles vont collecter les pizzas aux cinq coins du Québec. On accepte les chèques, mais arrive-nous pas avec des denrées non périssables, là. Oublie jamais que toi, t'es périssable. Si t'es encore en prison, tu peux envoyer un de tes gars déposer ton enveloppe chez les partenaires participants. Le Café Constanza, ma pizzeria pas de nom et l'Hôtel de Ville de Montréal. Donne ce que tu veux, mais donne de quoi. Même si c'est juste un 100. 100 000, je parle, là. Nos besoins sont grands. Fait que t'as besoin d'être généreux avec nos Shylock déguisés en lutin. Capiche? Au nom de la grande famille de la mafia, merci. Joyeux Noël. Ben, faut donner son sang. Faut donner son sang. Ben justement, Emma Québec a des problèmes. Ben, voilà. Merci beaucoup. En plus d'être le plus grand journaliste francophone d'Amérique, c'est aussi un homme qui a le cœur sur la main. Toujours prêt à sauver la veuve et l'orphelin. Et aujourd'hui encore, il a choisi de consacrer son topo à aider un nécessiteux. Jean-Sébastien Girard, bonsoir. Jean-Philippe, comment allez-vous? Ça va super bien. C'est bien. Ouais. Mais c'est qui le nécessiteux? Ben écoutez, honnêtement, je suis un petit peu perdu. Vous me prenez de court. Je suis un peu perdu dans mes papiers. Son nom... attendez juste une seconde. Pire, on reprendra. C'est quoi votre nom, monsieur? Jean-David. Ah, c'est ça, Jean-David. Je me souviens jamais de votre nom. Jean-David? Alors, Jean-David, ça vous dit quelque chose? Non. Non, ben voilà. C'est pour ça que je l'ai invité d'ailleurs, pour l'aider à se faire connaître, parce qu'on le connaît pas beaucoup. Alors, qui êtes-vous? Vous êtes candidat à la course à la chefferie du Parti libéral. Et évidemment, vous êtes le candidat dont on se souvient jamais du nom. Et j'ai voulu vous donner l'opportunité aujourd'hui de vous faire connaître. Parce qu'on va se le dire, monsieur Chose, c'est pas facile, évidemment, une course où vous avez des adversaires très connus. On pense ici à Marc Garneau, à Justin Trudeau. Comment vous allez vous démarquer d'eux? Alors, je vais faire mon possible, ça va être à l'intérieur du Parti libéral du Québec. Ah! Et puis, moi, je veux faire la révolution intelligente. Ah, mon Dieu, la boulette! Vous, c'est pour le Québec, je suis désolé, dans vos adversaires, c'est plus Couillard et Beauchamp. Donc, vous êtes le gars que Pierre Moreau a engagé pour pas arriver dernier, c'est ça? Oui, tout à fait. Il voulait payer avec une enveloppe brune, mais j'ai pas accepté. Oh, que ça vous honore, ça! Alors, on va commencer par découvrir vos intentions. Vous avez quitté le Parti libéral il y a quelques années parce que vous haïssiez Jean Charest. Vous avez récemment dit que vous haïssiez son héritage. Vous haïssez les autres candidats, puis là, vous dites que le Parti libéral doit être reformé parce que vous haïssez ce qu'il est devenu. Ma question, pourquoi le PLQ? Ben, le PLQ, je me suis dit, il y a beaucoup à reconstruire. J'aime l'action et puis je suis un homme qui a beaucoup d'ambition et puis je me dis, c'est les gens qui cherchent des idées nouvelles. Alors, je me dis, s'il y a un moment approprié, il se cherche un chef. Quand un parti n'a plus de chef, c'est là où il est le plus vulnérable. Alors, j'ai sauté dans l'arène. Excellent. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est si vous êtes bien impliqué dans le milieu politique, si vous avez de bonnes relations. Alors, ma prochaine question, c'est-tu vrai qu'ils ont une belle carte de vin au 357C? Eh bien, oui, elle est très bonne. Mais non, je suis jamais allé. Ah. Vous êtes jamais allé, vous perdez un peu de votre crédibilité, ça m'inquiète un peu. Alors, vraiment, sérieusement, vous avez besoin d'aide. C'est pourquoi j'ai une surprise pour vous. Alors, ouvrez la porte de la garde-robe qui est juste derrière vous. Allez-y. Ben, voyons donc, quelle belle surprise! C'est Jean-Jacques Strelitzky, professeur... Jean-Jacques! Oui, professeur associé HEC Montréal, cofondateur de Cossette, un spécialiste de l'image. Bonjour, M. Strelitzky. Oui, bonjour. Alors, je vous donne quelques minutes pour scruter David Jean. On l'analyse et on lui donne quelques conseils dans quelques minutes, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. À tout de suite. Vous écoutez La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur la première chaîne de Radio-Canada, l'émission plus féministe, mais pas mal moins drôle que Carla Bruni. Eh bien, mesdames, il n'a pas de problème d'image, Fred Savard. Non, et pas de problème de cheveux non plus. Vous savez que j'aime bien, depuis quelques semaines, rendre hommage à un de nos invités quand l'inspiration me vient. Hein. Alors, cette semaine, je vais passer mon tour. Non, je salue hein, quand même le fait que nous ayons deux membres de l'Empire québécois avec nous. C'est vrai? C'est quand même pas rien, c'est la première fois. Je suis content de savoir que parfois, ils vous détachent. Non, c'est une blague. C'est une blague. Non, j'ai le plus grand respect pour Joseph Facal, un homme que je croisais quelquefois. Pardon? Tu dis qu'il nous détache, mais toi, tu travailles à première chaîne. Oui, c'est vrai. Bravo! Oui! Bravo! Puis moi, il me détache pas ici. Je suis enchaîné. Et non, mais c'est ce que je disais, j'ai plus grand respect pour Joseph Facal, un homme que je croisais quelquefois sur le plateau de Bazo.tv l'an dernier, toujours avec un plaisir renouvelé. Et M. Facal fait partie de ces trop peu nombreuses voix de droite qui ne sombrent pas dans le dogmatisme niais. On a eu Mathieu Bock-Côté aussi cet été. J'y avais fait un hommage senti. Et en plus, M. Facal, vous faites parfois des rêves, hein, les nuits de printemps érable qui font passer un trip d'acide pour une balade à la campagne. Et ça aussi, je l'apprécie. J'ai aussi le plus grand respect pour Biz, un homme que j'ai beaucoup fréquenté dans mon passé, gauchiste au sein des apartistes. Nous avons même foulé la même scène quelquefois ensemble. Et à l'instar de M. Facal, Biz fait aussi partie de ces trop nombreuses voix de droite qui ne sont pas... Non, c'est une blague. Mais... Non, ben oui. T'es pas parti des apps parce que t'avais franchi le piquet de grève. Non, j'avais déjà annoncé que je partais. C'est la guerre. Mais c'est vrai que c'est scandaleux, oui. La SAC, quand même. J'ai hâte qu'on assainisse les épiceries aussi. Mais avec la démission de Daniel Breton hier matin et les discussions qui s'en sont suivies un peu partout à la radio, sur les médias sociaux et même dans notre propre bureau, j'avais envie de m'y attarder un peu. Ah oui. C'est vrai que Daniel Breton dérangeait beaucoup de gens. Un écologiste au ministère de l'Environnement, on n'a pas vu ça souvent. On a plutôt été habitués avec des phytoplanctons à ce poste. Mais de là à dire qu'il y a eu un complot médiatique pour salir la réputation de Breton et ainsi faire diversion sur la présence de Lynn Beauchamp et Tony Tomassi au Club 357C, en compagnie de gens peu recommandables, comme nous l'apprenait au même moment la commission Charbonneau, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. D'abord, Robert Plouffe de TVA, celui qui a sorti l'histoire du passé de Breton en exclusivité, n'est pas réputé hein, pour faire du reportage de bas étage. C'est quand même le Albert Londres du sac à vidange. Et que la presse publie la même histoire simultanément et aussi en exclusivité, ça prouve qu'il était temps que ça sorte. Et n'oublions pas que la commission Charbonneau allait ajourner jusqu'au 21 janvier, de toute façon, ce qui fait que les grosses révélations allaient tomber dans l'oubli, car s'il y a bien un talent que nous avons, les Québécois, c'est d'oublier. Mais c'est quand même étrange que le PQ ait laissé un homme au passé trouble comme Breton prendre les rênes d'un ministère, sachant que tout tout ça allait sortir. Il me semble qu'avec André Boisclair, qui avait dû prendre la poudre d'escampette après ses histoires de poudre tout court, ils auraient dû voir, ils auraient dû avoir leur leçon. Et on dira ce qu'on voudra de tous les élus qui sont allés au 357C. Ils payent leur loyer, eux. Et hier matin, à la radio, Mme Beauchamp pleurait deux fois en fin d'entrevue à Paul Arcand et à Radio X pour défendre son intégrité, alors que Daniel Breton n'a jamais pleuré quand il a annoncé sa démission. Un criminel au cœur sec ne retrouvera jamais le droit chemin, c'est connu. Bon, il n'est pas, peut-être pas criminel, mais c'est un multirécidiviste, et ce, à plusieurs niveaux. Premièrement, des loyers impayés. C'est tout à fait impardonnable. J'entends des gens dire qu'il n'a pas fraudé de plusieurs millions Revenu Québec, comme certaines compagnies de Tony à Curceau, peut-être. C'est vrai. Mais au moins, à Curceau faisait travailler 3000 personnes pendant les délits de ses compagnies. Et sur son yacht, à Curceau devait sûrement ramasser ses bouteilles de vin vides et ne buvait pas de la piquette. Un ministre qui boit de la piquette, moi, je trouve que ça fait Botswana pas mal. Et que dire de la fraude à l'assurance-emploi? Une faute impardonnable pour un ministre quand on sait que depuis le gouvernement libéral de Jean Chrétien, les fonds de l'assurance-emploi sont régulièrement détournés des travailleurs pour aller au remboursement de la dette. Alors, si on fait un raccourci boiteux, comme on en entend sur toutes les tribunes à cœur de jour, Breton était finalement contre les générations futures qui auront à rembourser une dette démesurée parce qu'il aura manqué de fonds à l'assurance-emploi. Morale de l'histoire, si vous avez des squelettes dans le placard, ne faites pas de politique. Moi, par exemple, je ne serai jamais ministre. Bis, vous l'avez bien dit. Puisque j'ai au moins deux squelettes, on en connaît déjà un, et j'en ai un autre. J'ai déjà inhalé des fumées secondaires et même primaires de marijuana. Et la marijuana ne fait pas de bons politiciens, mais elle fait parfois des maudites bonnes chroniques pour la radio. Merci, Fred. Eh bien, on va aller retourner discuter avec Jean-Sébastien. Jean-Sébastien? Oui! Vous en êtes où, là? Ah oui, ils sont toujours avec Jean-Jacques Strelitzky et le gars qui se présente à la chefferie du PLQ. C'est quoi déjà maintenant? Jean-David. Alors, Monsieur Strelitzky, d'entrée de jeu, vous pensez quoi de lui, de son image? Parce que, bon, vite comme ça, on peut dire qu'il est assez bel homme. Ma mère irait bien porter ses pantoufles en dessous de son lit. Il a une belle tête blanche, il sent pas trop mauvais. Est-ce que vous pensez, en revanche, qu'il a la gueule pour devenir un chef de parti? Ah, pas du tout, parce que regardez, c'est ce qui est très louche. Hein, cet homme a l'air louche. D'abord, il a l'air honnête. Alors déjà, ça ne va pas. Et puis ensuite, je crois que il a l'air de ce qu'il a l'air. Alors ça va pas du tout. Donc il a un gros problème. Il a pas l'air baveux. Il a pas l'air crook. Hein, il a pas l'air politicien. Puis alors il a pas l'air du tout libéral. Alors donc déjà ici, ça va pas tout. Donc, on peut pas imaginer, par exemple, qu'il fasse un mauvais coup et qu'il s'en aille brailler comme un veau dans les studios de Paul Arcand. Non, il ira pas brailler. D'abord, il est incapable de brailler. Regardez, il a un grand sourire sur le visage. Mais oui, c'est quoi ce grand sourire là? C'est un sourire libéral. Un sourire, les libérés, surtout. Ouais. Est-ce qu'ils vous aiment, les libéraux, M. Chaud? Ah, ils m'adorent. Ils m'adorent tous parce que, bon, j'ai envoyé promener Jean Charest à l'époque. Mais non, ils me détestent. Il y a un bon nombre qui me détestent. Bon. Et M. Strelitzky, est-ce qu'on peut devenir chef d'un parti avec des gens qu'on envoie promener comme ça constamment? Oh oui, il y en a plein, ils n'arrêtent pas de se bouffer entre eux, alors ça, c'est pas un problème. Moi, ce que je lui suggérais, c'est qu'il pourra pas se faire un nom, ce gars-là, il pourrait peut-être se faire un prénom. Alors, s'il en changeait, mettons qu'il s'appelle Barack David. Déjà, ça irait beaucoup mieux, puis on le retiendrait facilement. Voilà, moi, je pense que PD comme initial, c'est sympa. Hein, vous voyez? Donc, changer de prénom, plus de gens, parce que s'appeler Jean au Parti libéral, on a vu, c'est pas tellement payant. Vous n'avez pas l'héritage de Jean, vous, monsieur David. Comment vous prenez ça, ces conseils-là? Ben, écoutez, je vais devoir me faire bronzer un peu si je veux suivre le conseil de Jean-Jacques, parce que... Mais c'était intéressant, franchement, je vais penser à voir ce que je peux faire avec ça demain matin. Je vais peut-être gagner, je vais y réfléchir. Bon, ben on vous le souhaite. Merci beaucoup de vous être déplacé pour avoir été avec nous. Alors, si vous le permettez, je vais garder M. Strelitzky avec moi. On va poursuivre le jeu de l'image un peu plus tard au courant de l'émission. On va analyser l'image de certaines autres personnalités publiques, si vous le permettez. Ben, je vous le permets. Hein. Bon, ben, à tout de suite, mon bon chantier. OK, bye-bye. Ancien ministre piqué sous le gouvernement Landry, notre invité coule maintenant des jours heureux chez Québécois à Télé-Québec et au HEC. Accueillons M. Joseph Facal. Hello. Monsieur Facal, une bière. Volontiers. Ben voilà. J'ai de la blonde ou de la blonde? Blonde. OK, parfait. C'est un bon choix. C'est la meilleure que j'ai ici. Comment ça va, Monsieur Facal? Ça va merveilleusement bien. C'est la vrai? Vie est bonne pour moi. En plus? Je ne fais que des choses que j'aime. Arrêtez donc. Depuis que j'ai quitté la politique, bon. j'ai découvert le plaisir de dire non, ça me tente pas, j'irai pas. Et j'ai découvert un autre plaisir. Oui? Quand on me pose une question difficile, je peux répondre « je ne sais pas ». Alors qu'en politique, t'es obligé d'avoir l'air de savoir la réponse. Ah t'sais? Ben là, ça m'embête voilà. Parce que toute mon entrevue t'est basée là-dessus. Mais bon, vous avez été longtemps député de Fabre pour le Parti québécois. Oui, c'est à Laval. Oui, c'est ça que je me demandais, là. C'est à Laval. Gilles Vaillancourt, alors, non, là. Écoutez bien, écoutez oui. bien. Non, mais je me... J'ai été au 357C. Oui. Arrêtez donc, c'est vrai. J'habite Laval. Oh! J'écris pour Québécois et je forme des petits robots capitalistes à HEC Montréal. Ah, yeah. Ben, j'ai là. Envie d'aller prendre ma douche. Wouh! Ben là, je sais pas, je suis pas prêt pour ça, moi. Mon compte est bon. Ben, je pense que oui. Il reste peut-être Bazo, bon, pour me dédouaner. Ouais, c'est ça. Mais voilà, là, regardez, c'est... là, ça fonctionnera pas tout le temps. Mais HEC, je suis le gauchiste de la place. Fait qu'imaginez les autres. Ben non, non, c'est la mais non, sérieusement. Oui, oui. Bon. Soyons sérieux, là. Je te pique tes questions. Non, non, mais pas du tout. Je n'avais même pas une qui ressemblait à ça. Non, j'allais poser la question suivante. C'était sur Gilles Vaillancourt. Parce que vous l'avez connu, Gilles Vaillancourt. Vous avez travaillé avec Gilles Vaillancourt? Non, travailler avec Gilles Vaillancourt... Mais vous étiez député de Laval, c'est bien maudit, oui, pas ballon mal. Oui, oui, non, non. On ne travaille pas avec Gilles Vaillancourt, on travaille pour Gilles Vaillancourt. Certains peut-être, mais pas moi. OK, d'accord. Non, non, disons qu'il faisait ses affaires dans le monde municipal. Nous, on faisait les nôtres souvent à Québec. Ouais. Oui, effectivement, on se croisait souvent dans des tas d'activités style souper spaghetti de la Fraternité des policiers. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, voilà, quoi. Mais parce qu'évidemment, on a entendu des vertes et des pommes. J'ai jamais eu l'honneur de faire l'objet d'une scène comme celle racontée par Serge Ménard ou Vincent ben Auclair. Non, je devais pas être assez important ben, c'est pour ça. On s'est senti un peu rejeté dans ce temps-là. Ouais. On aurait aimé ça. Au moins, refuser une enveloppe de Gilles Vaillancourt, on s'en en gagne. Non, non, c'est ça l'affaire. C'est comme le fonctionnaire à la Ville de Montréal, quand on lui a demandé pourquoi vous avez accepté tout ça, il a répondu pour faire partie de la gang. Ben, hein? Non, non, j'ai jamais. C'est bien embêtant. Non. Mais d'ailleurs, ce que je trouve le fun, par exemple, un gars comme Fred Savard, qui est de gauche, on le sait, il refuse son salaire parce qu'il veut pas faire partie de la gang. Exactement. Et ça, je trouve ça très, très le fun. Je le fais pour l'amour du métier. Ben, c'est ça. Je vais aller prendre ma douche. Monsieur Vaccal, vous êtes parti en Espagne en sabbatique en 2009. Oui. Et à votre départ, vous sembliez un petit peu découragé du Québec. Oui. Est-ce que oui. vous êtes maintenant très encouragé là, et rempli d'espoir sur ce qui non, se passe? Très encouragé, non. OK. Un petit peu moins déprimé, oui. OK. Mais je pense que j'avais besoin, tout simplement, d'un changement d'air. Ouais. Et puis, je l'avoue, les universités offrent cette opportunité extraordinaire que sont les sabbatiques. Ouais. Non, pas une année payée à ne rien faire. Non, j'ai écrit deux livres pendant cette année-là. Ben oui. Mais deux livres de 50 pages, ouais. quelque chose, là. mais Facal, ouais. Facal, ça vient pas du Liban, ou comme j'ai souvent entendu, ça vient d'Espagne. Ouais. Ça vient de la Galice, qui est le nord-ouest de l'Espagne. Ouais. Et donc, on avait là-bas de la famille. Hein? Mes grands-parents des deux côtés étaient partis pour l'Uruguay au début du siècle dernier, où moi je suis né. Mais là-bas, en Amérique du Sud, on est une petite branche. L'arbre, le tronc, la souche est en Espagne. La question qui se pose, parce que vous étiez découragé du Québec, là maintenant, le PQ est élu. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes un petit peu moins découragé? Est-ce qu'on y voit un peu d'espoir? J'ai un peu d'espoir quand je vois mes étudiants. Ouais. Que j'adore, que je trouve extraordinaire. Oui, j'ai de l'espoir. Il faut toujours miser sur la jeunesse. Mais le si on PQ... désespère d'elle, bon, le PQ. C'est ça ma question. Je vais répondre très franchement. Ben non, c'est ça. Ils ont eu des débuts particulièrement échevelés. Quelqu'un a oublié de leur dire qu'ils étaient minoritaires et puis qu'il fallait un petit peu ne pas trop tirer sur l'élastique. Je me pose beaucoup de questions sur un certain nombre d'affaires. Juste un exemple. On dit au ministre de la Santé, tu dois couper 50 millions en chirurgie. Bon, d'accord. Mais de l'autre côté, on veut créer 28 000 places en garderie à 260 millions par année qu'on va évidemment mettre sur une carte de crédit. Alors, pour la cohérence entre l'un et l'autre, je me pose des questions. Donc, le PQ dans lequel vous avez travaillé à l'époque, c'est plus le même que celui que vous voyez là? Non, c'est évidemment plus le même. Mais je veux dire, dans mon temps, on faisait quasiment 45 % du vote. Maintenant, ils ont de la peine à faire 31 % On a comme perdu du monde en chemin. Là, le bon vieux temps, c'est ça. Ça me semble évident. Oui. Là. Bon, pour le reste, moi, personnellement, j'étais rentré en politique pour deux raisons. Une raison majeure, puis une raison mineure. La raison majeure, je voulais faire l'indépendance. Ouais. La raison mineure, je voulais être député et ministre. La majeure, je l'ai raté. Ça reviendra peut-être. La mineure, je l'ai réussi assez rapidement. Mais pourquoi vous ne retournez pas sur le terrain, là? Mais parce que je pense pas... Fonder un parti? Je pense pas qu'un député péquiste de plus, ouais. 52... non, plutôt 51. Ils sont 50, ils en ont perdu un. Là. Ouais, ouais, je, ben pense, là. Je pense pas qu'un de plus pour compenser, ça changerait grand-chose. Non, mais pas pour le PQ, pour un nouveau parti. Jean-Philippe, à court terme... Oui, mais non, mais je... Gérer une province, ça ne m'intéresse pas. Ben, c'est assez clair, là. Mais regardez ce que monsieur... regardez ce que monsieur Haussan a fait. Il a quitté le PQ, il a créé un parti, puis t'es en train de changer le monde. Ah ouais. Regardez, ça marche bien. Jean-Martin est un homme talentueux, formidable, que j'encourage, qui, de toute évidence, connecte auprès d'une certaine frange de jeunes. Maintenant, changer le monde. Pour l'instant, bon, là, pour l'instant, il est dans la marge d'erreur des sondages. Ouais, ouais. Je pense qu'il cherche un job et il me semble que chroniqueur au Journal de Montréal, ça serait pas mauvais pour lui, ça. Mais pensez à ça, M. Facal. Je ne suis pas un cadre chez Québécois. C'est pas moi qui décide. Mais s'il écrit aussi bien qu'il pense, il serait formidable. Ben voilà, on a un job pour Jean-Martin. Ouais. Bon, on va l'appeler demain. On va placer Jean-Bart? Oui, on va l'appeler demain. Mais vous restez avec nous, s'il vous plaît. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Faut continuer, nous. Heureusement que le ridicule ne tue pas, parce qu'avec ce qu'il nous laisse entendre chaque semaine, nos oreilles seraient décédées depuis longtemps. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Ah ben oui, c'est Olivier, faut applaudir. Hein? Oui, oui. Ben oui. C'est... Bravo. Non, ben... On oublie des fois. Olivier? Ben oui, la fin de semaine dernière, les grands défenseurs de la modération qui a bien meilleur goût et membres de l'intelligentsia des radios populistes s'indignaient des propos de Jacques Fabi, animateur de nuit au 98.5 FM, qui a pas mal dérapé en ne flochant pas et même en encourageant une auditrice qui se laissait aller l'antisémitisme. Monsieur Fabi et la madame antisémite ont d'ailleurs joué un petit jeu où elle lui demandait de deviner le nom d'un animal qu'elle avait en tête, animal qu'elle a ensuite associé aux Israéliens. Tout ça a éveillé les soupçons de Jeff Fillion. C'est un call qui est stagé, cette affaire-là. Il avait envie de dire de quoi, mais lui, vu qu'il peut pas le dire, il y a rien de mieux que quelqu'un anonyme qui appelle. Mais comme par hasard, ils font un concours sur les centaines d'animaux qui peuvent vous passer en tête. À la deuxième tentative, il est arrivé sur le bon animal. Il a dit un chien. C'est le grand complot juif, mais à l'envers. Ouais. C'est clair que c'était stagé, cette affaire-là. La preuve, là, c'est que M. Fabi a atteint son objectif d'être honni par tout le Canada et suspendu sans salaire pendant un mois. Autre dérapage du week-end, le champion olympique Adam Van Coverden qui dit « fuck you » à l'Université Laval sur Twitter. L'occasion pour Régent Tremblay de se remémorer de beaux souvenirs des Olympiques de Nagano et de la douce Sheila Copps. Ben, t'as fait Sheila Copps, par exemple. Puis à un moment donné, on était assis devant elle, il fallait se méfier parce qu'elle parlait bien français, tu sais. Mais on s'en regardait et on disait, coudonc, ça dépend, ça serait, oui. Ça serait quoi? Ben, je voulais dire que après 19 jours dans un village olympique à travailler, on m'a dit que Mme Copps, on l'avait trouvée belle. Reste à savoir si Mme Copps aurait accepté d'être dépannée par Régent Tremblay. Permettez-moi d'en douter. Mais ça, c'est une autre histoire que nous pourrons lire dans le prochain roman de Régent qui racontera la vie d'une pulpeuse ministre qui se porte au secours de drapeaux canadiens victimes d'excision au Japon. D'autre part, l'intimidation était encore un sujet d'actualité cette semaine et Joanne Marcotte, la psychologue du réseau Liberté Québec, avait un conseil à donner à ceux qui en sont victimes. Ça, là, c'est une règle, là. Si tu te fais intimider, c'est parce que tu veux te faire intimider. Bon, là, attendez, capotez pas, là, faut mettre ça en contexte. Oui, mais c'est comme parce qu'avec ce que tu viens de dire, Joanne, il y a peut-être des gens qui vont prendre ça hors contexte. Si tu veux te faire intimider, tu cours après ça. Sur Internet, tout ça, les parents doivent réagir, porter des plaintes, réagir, oui. Mais ce qu'on dit, c'est qu'au plan individuel, vous pouvez équiper votre enfant. Absolument. Ah oui. Absolument. Pour se défendre dans la vie. Tu ne dois pas choisir d'être une victime, tiens, je vais le dire comme ça. Merci à Dominique Moret qui nous a fait mieux comprendre ce que veut dire Joanne Marcotte. Une fois qu'elle l'aura elle-même compris, ce sera plus clair pour tout le monde. Et parlant de victimes, autre grosse nouvelle cette semaine, la destitution de Rob Rob Ford pour avoir abusé du papier à lettres. Évidemment, les grands défenseurs de la loi et de l'ordre comme Tasha Carradine du National Post ont trouvé ça un petit peu exagéré. S'il y avait un maire de gauche qui aurait agi de la même façon, est-ce qu'il aurait été poursuivi? Mais oui, c'est moi, ça la question. Je dirais probablement non. Faut croire que même l'éthique a un biais gauchiste. D'ailleurs, là, on ne verrait jamais un ministre de gauche perdre son job pour des raisons éthiques ou hygiéniques. Là. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça. Non, ça, c'est clair. Petite nouvelle scientifique pour terminer. On apprenait cette semaine que selon une étude de Protégez-vous et de l'École Polytechnique, les champs électromagnétiques de radiofréquence qu'émettent tous nos gadgets sont sans danger pour l'être humain. Sauf que, selon Mario Dumont, devant la vérité scientifique, le freak de l'environnement ne veut souvent rien entendre et un petit peu l'air d'un gorille. Puis tu dis la phrase, ben selon nos données scientifiques, il n'y a aucun risque pour la santé. Non! Non, Mario, je suis pas sûr. Une chose dont je suis sûr, par contre, c'est que les radiofréquences émises par Mario Dumont peuvent causer un traumatisme auditif, alors on va s'arrêter ici, OK? Merci beaucoup, Olivier. Ben, c'était une grosse semaine, hein? Hey, je sais pas si vous le savez, mais les Mayans ont prédit la fin du monde pour cette année. Hein, et la date fatidique, c'est le 21 décembre. Ça arrive à grands pas. Eh bien, imaginez-vous donc, on a trouvé une preuve de plus pour appuyer cette théorie. On écoute. Les Mayas avaient raison. Et nous avons trouvé pourquoi. La rencontre de deux mondes est sur le point de mettre fin à notre civilisation. Parce que depuis quelque temps, chez Pizza Hut... Pizza et hot dog entrent en collision! La pizza que vous adorez cuite avec une saucisse et hot dog à l'intérieur. Une explosion de gras qui jammera définitivement les artères de notre planète obèse morbide. Pour un temps limité, soit jusqu'au 21 décembre, seulement chez Pizza Hut. Pizza Hut est rien de moins que la fin du monde. Est-ce que c'était une vraie publicité? Presque. Ah, OK, d'accord. On va aller trouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien? Bonjour Jean-Philippe, toujours avec le grand spécialiste de l'image Jean-Jacques Strelitzky. Oui. Pendant que vous êtes avec nous, M. Strelitzky, on va en profiter pour scruter un peu l'image de nos invités sur le plateau actuellement. Alors le premier, qui est un cop biz, vous pensez quoi de lui? Est-ce que c'est crédible un rappeur qui est plus vraiment dans la fleur de l'âge, qui se met du gloss dans les cheveux, qui s'en tourne tranquillement et qui passe encore son message avec une sucre puis du linge de yo? C'est un peu crédible. Parce que Biz, what you see is what you get, comme il dit, il faut surtout rien qui change. Et d'ailleurs, vu son âge, je pense, et le temps qu'il fait, d'ailleurs, je crois que la tuque c'est tout à fait approprié. Comme ça, il risque pas de se faire mal aux oreilles. Donc, non, il faut absolument qu'il rien change. On n'aurait pas rasé la moustache de Georges Brassens. Il n'y a pas de raison de retirer la tuque de Biz. Maintenant, Joseph Facal, gauchiste des HEC. Jean-Philippe parlait tantôt justement d'une proposition de retourner en politique, ça ne l'intéresse pas. Mais si jamais il décidait d'y retourner, est-ce qu'il y a encore une certaine crédibilité? Est-ce qu'il y a autant de panache qu'un genre David, par exemple? Ah oui, il aurait du panache. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de trop chez Facal, le panache. Donc, il faut savoir que cet être-là est beaucoup trop brillant, d'ailleurs, pour être à droite et pour être à gauche. Et surtout... Il est surtout beaucoup trop brillant pour être au centre. Donc, avoir des tentations de par la CAQ, ça, c'est ce que je ne lui recommande pas. Puis alors, en plus, il a un truc absolument inavouable. Il gagne tous les quiz à Bazo, et c'est insupportable. Et en terminant, on va rester dans l'actualité, si vous le permettez. C'était dans le soleil cette semaine. Patrick Lagacé et Jean-Philippe Vautier pourraient animer un talk show d'actualité à Télé-Québec. Sur le plan d'image, est-ce que c'est un couple qui peut fonctionner? Est-ce que Vautier est aussi beau et pertinent que Richard Martineau, par exemple? Je pense que Lagacé, ça va aller très, très bien. Lagacé, ça serait bien. Le problème, c'est Vautier, hein, parce que lui, il a vraiment, est-ce qu'il a vraiment besoin d'une image? Il est une image, hein. Alors, on se gala un petit peu. Est-ce que c'est juste une image, Jean-Philippe Vautier? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non. Parce que ça me fait beaucoup de peine, ça. Il a de très mauvaises fréquentations, en plus, hein. Vous n'avez qu'à voir qui fréquente, Fred Savard, déjà, c'est un petit peu louche. Olivier Niquette, hein, vous l'avez entendu? Non, je n'écoute pas lui. Non, bah, puis il y a Jean-Sébastien Gérard, alors là, je ne vous raconte pas. Oui, il y a Bacchio. Oui, c'est vrai. Mais enfin, je ne sais pas qui a élevé ce gars-là, mais si je voyais ses parents, moi, je leur dirais en pleine face. Monsieur Strelitzky, je ne vous remercierai jamais assez. On vous souhaite de bonnes élections, Monsieur David, parce qu'il est toujours là. Il n'a pas pu partir. Merci beaucoup. Et je suis là pour toujours. Oui, un petit mot de la fin. Hey, merci beaucoup et votez pour moi. Ah. Yeah. Merci, Jean-Sébastien. Merci beaucoup, bonne semaine. Il est fin, ce monsieur Strelitzky, là. Hein? Oui. Je sais pas si on a sa fille en entrevue des fois ou en chronique. Ouais. On va y repenser, en tout cas. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Notre correspondant parlementaire revient d'une tournée dans l'Ouest canadien où il y est nettement plus populaire que Justin Trudeau. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Bonsoir. C'est vrai, ça, Jean-Philippe? Vous revenez d'un périple dans l'Ouest? Ben oui, moi, à l'image de M. Facal, j'aime ça aller à l'étranger dans des régions indépendantistes. Alors, Ah oui, c'est vrai! C'est vrai! Alors, je me suis arrêté avant les pentes de ski pour découvrir Edmonton, l'ineffable capitale de la douce Alberta. Edmonton, tout le monde se rappelle quand même d'Edmonton grâce à son livre d'anglais de troisième année où est-ce qu'on apprenait que ça avait le plus gros centre d'achat du monde. Oui, ben oui, ça c'est vrai! Ça c'est vrai! Ouais. Hein? West Edmonton Mall, ouais, c'est ça. C'est jeux, un des premiers mots que j'attends. Ouais. Je pense même qu'il y a un Walmart. Écoutez, ça tombe bien d'ailleurs, mais bon, je suis pas allé au centre d'achat parce que quand même le chauffeur de taxi te dit de pas mettre les pieds là, normalement tu l'écoutes. Ben je peux pas passer sous silence ce qui fait de l'Alberta le Texas du Nord. Non, pas le fait qu'en région on offre une carabine à son fils pour ses 14 ans, mais plutôt le pétrole et surtout les sables bituminés. Bitumineux, oui. C'est comme des sables qui sont mélangés avec du pétrole, puis un petit peu comme Denis Coderre, là, il faut passer par beaucoup de procédés avant de tirer de la substance. Donc, je savais pas ça allait être quoi, mais t'es bonne, finalement. On parle quand même de 173 milliards de barils de pétrole à Fort McMurray, qui est dans le nord autant que possible. Hein, ça vous rappelle quelque chose? Oui. Fait frais tantôt. Et là-bas, un opérateur de machinerie est payé 120 000 $ par année, plus les heures sup. Le seuil de pauvreté, c'est à peu près 70 000 $ par année. Daniel Breton, si vous écoutez, pas de misère à payer le loyer là-bas avec des salaires comme ça. Ça se fait très, très bien. Par contre, c'est 800 piastres par mois pour la garderie. Ça, c'est un peu moins donné. Province très prospère et les évangélistes que j'ai rencontrés là-bas me disaient que les sables bitumineux, c'était un cadeau de Dieu. Bon, Dieu a appelé. Dieu a appelé. Il fait dire de se garder une petite gêne pour là-dessus. Mais on me faisait aussi remarquer beaucoup, ça c'est bien, bien populaire, que le Québec payait ses programmes sociaux grâce à leurs sables bitumineux. C'est vrai ça. Bon, il faut dire qu'eux autres, ils ont aboli leur taxe de vente, l'impôt est flat à 10 %. Fait qu'ils pourraient s'en payer des programmes sociaux. Ouais. Mais je pense que le séparatisme albertain, c'est plutôt l'équivalent de mettre le Québec dehors. Donc c'est un petit peu ça leur idée. Okay. Et d'ailleurs, toujours selon mes sources, il y a un bonheur non dissimulé aussi à s'enduire de pétrole et de plumes pour aller parader dans les rues et tromper l'ennui les soirs de pleine lune. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Mais là, est-ce qu'on le veut, nous, le Québec, ce pétrole-là? Est-ce qu'on le veut? Ben, c'est pas simple parce que, bon, il en faut de l'essence, là. Nous, on l'importe surtout d'Europe. Puis, à date, les avions électriques, c'est pas bien, bien fort. Ouais. Mais vous avez vu quand même les superbes pubs de l'industrie des sables bitumineux. Ça passe à RDI, là, tout juste après celle, la pub de la brassière bizarre, là, qui dure deux minutes. Oui, c'est spécial. Ils nous disent que les sables bitumineux, c'est beau, c'est propre, c'est la dernière merveille environnementale. Écoutez, c'est depuis le projet de l'échangeur turcot, on n'a jamais rien vu d'aussi vert. Vous vous souvenez, les tramways là, qui roulaient sur l'herbe? Oui. Puis après l'exploitation, les territoires sont remis à neuf avec les meilleurs artistes paysagers de la planète qui proviennent tous du 10-30. Et là, ça touche le Québec parce que l'Alberta veut installer un pipeline, un oléoduc, pour acheminer 300 000 litres de pétrole par jour. Puis là, Pauline Marois, vous savez, la dame de reculons, elle a rencontré Allison, puis elle a fait ce qu'elle a fait depuis qu'elle est première ministre, elle a reculé. Et donc, est-ce qu'on va avoir du pétrole et sables bitumineux? Je ne sais pas, mais on voit en tout cas une belle amitié qui se développe entre Pauline et Allison. Okay. La dernière fois, c'était entre Lucien Bouchard et Mike Harris. J'y sonne de même. Merci beaucoup. Merci, Jean-Philippe. C'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret Puis on est de flou, plus on lit ensuite. C'est Bande à part qui est animé par Alex Courteau. Et les invités cette semaine, Cœur de pirate et Louis-Jean Cormier. Merci à toute l'équipe, Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon et Steve Côté. Merci à nos invités. Biz, on peut se procurer votre dernier album et vos livres. J'imagine Charles Chambault. Entre autres. OK, parfait. Et Joseph Facal, si on veut vous entendre, soit on écoute Bazo.tv, soit on s'inscrit au HEC. Oui. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'on ne vous verra plus jamais en politique, c'est ce que j'entends. Non. L'avenir est long. L'avenir est long. C'est une fin d'émission, vous, hein? Mais quant à nous, n'oubliez pas notre spécial de fin d'année. C'est en honte le 31 décembre et le 1er janvier. Et écrivez-nous pour assister à notre prochaine émission la semaine prochaine, jeudi à 17h. Nos invités, Michel Courchaine et Michael Applebaum. Ouais. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Yeah!